J'avoue d'être capable de saisir vibratoirement ce que je dis et non pas d'engendrer émotivement ou mentalement une qualité plus grande à ce que je dis. Vous devriez être capable de prendre ça ou ça. Si j'en dis un que ça, vous devriez être capable de prendre ça, mais aller chercher là-dedans tout ce que je dis. Ça, c'est vibratoire. Si vous n'êtes pas capable d'aller chercher tout ce que je dis dans cette petite quantité-là, à ce moment-là, vous allez chercher à rationaliser ce que je dis dans cette petite quantité-là. Et là, vous allez diffuser de l'énergie émotionnelle, de l'énergie mentale, et automatiquement, vous allez rentrer dans le phénomène de l'insécurité ou de l'agressivité. Ça se comprend-tu, ça? C'est subtil. Puis je ne vous le dis pas nécessairement pour ma personne, parce que envers ma personne, en général, je couvre, j'ai une facilité de donner raison et de couvrir le terrain qu'une personne va devenir. Mais je le dis en fonction des gens plus tard qui vont continuer dans le futur, qui vont être en public demain. Les gens demain qui vont faire de l'instruction dans des centres quelconques. Ces gens-là devront être capables de parler et de ne pas être obligé ou forcé toujours d'aller en dehors de la quantité de ce qu'ils vont dire. Sans ça, il y aura une perte d'énergie dans la salle et vous aurez l'impression que les gens ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils sont. Et pourtant, ils seront à la hauteur de ce qu'ils disent. Ils ne seront peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils sont encore, parce qu'ils vont grandir, grandir, grandir, mais ils seront à la hauteur de ce qu'ils disent. Et les salles où les gens qui seront dans les salles devront être capables de prendre seulement la petite quantité, là. Ça, c'est bien. Sans ça, les salles vont tomber sous le plan de l'insécurité et de l'agressivité, où l'insécurité de l'un créera l'agressivité dans l'autre, ou l'agressivité de l'un créera l'insécurité dans l'autre. Et à ce moment-là, ces gens-là qui sont dans le public perdront de l'énergie et un jour, ils ne seront plus capables de continuer le travail. Et autant vous pouvez vous imaginer que des gens comme Ménard ou Croteau ou elle ou d'autres personnes qui viendront, ou peut-être lui un jour, parce qu'il y en a qui vont parler, qui vont donner plus tard, qui vont faire de l'instruction plus tard, selon leur propre vibration. Autant vous pouvez penser que ces gens-là sont capables de parler, autant vous réaliserez que ces gens-là, un jour, ont leur plafond, ils ont leur top. Ils ne sont pas fusionnés, ces gens-là. Ils vont vers la fusion. Alors, ils ont le plan. Alors, si tu as un professeur dans une classe et tu n'es pas capable de le respecter dans l'intérieur de ce qu'il dit, et tu veux fanfaronner pour montrer, à cause de ton insécurité ou ton agressivité qui est un petit peu smart, à ce moment-là, le professeur est découragé. Et c'est pour ça que dans le phénomène des écoles aujourd'hui, il y a beaucoup de très, très bons professeurs qui sont découragés, sont plus capables de continuer, ils sacrent leur camp. Alors, tout ce qui nous reste, ce sont des professeurs de moindre calibre, mais les réellement bons, là, ceux qui sont très, très, très, très sensibles, là, mais qui, à cause de leur sensibilité, sont plafonnés, là, ils ne peuvent plus en prendre plus, ils s'en vont. Change de job. J'en connais. Alors, l'agressivité et l'insécurité peut détruire une nouvelle école. Une nouvelle alliance entre le double et l'homme, entre le cosmique et le planétaire. Naturellement, il y aura toujours des forces pour empêcher cette destruction-là. Mais s'il doit y avoir des forces pour empêcher cette destruction-là, ça veut dire qu'il y aura forcément un tri pour empêcher que la destruction continue, ainsi de suite. Alors, si jamais, dans les années à venir, il y a un tri, qu'on doit dire, bon ben, telle personne peut y aller, telle personne, c'est parce que on n'aura pas pu emmagasiner ou donner libre accès à des gens, même de l'extérieur, à cette instruction-là. Parce qu'il y aura trop d'insécurité, d'agressivité dans la personnalité, et ceux qui seront de grande sensibilité, mais qui ne seront pas encore fusionnés, seront obligés à un certain moment de soit lâcher ces groupes-là et d'aller à des groupes qui auront été préparés ou qui auront une vibration particulière qui sera perçue psychiquement. Moi, les séminaires, je les ouvre quasiment à toute la population large. J'ai des éléments que j'enlève de temps en temps parce que c'est pas bon pour eux autres, pour les empêcher de souffrir psychologiquement. Mais en général, j'ouvre les séminaires à tout le monde. Mais les gens qui feront ce travail-là demain à cause de leur sensibilité, s'ils ouvrent au public, à un certain moment, il faudra qu'ils soient respectés énormément dans la petite quantité qu'ils donneront. Sinon, ils seront obligés de retourner dans des cercles plus fermés où il y aura eu des extractions, et ce sont ces extractions-là qui recevront l'instruction. Parce que il vient un temps quand le double, l'homme planétaire et l'homme cosmique fusionnent, il vient un temps où l'homme planétaire est capable de créer sa propre psychologie. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre sur lui-même la valeur de ce qu'il veut pour vivre. C'est ça, c'est ça et c'est ça. Et à ce moment-là, il a la volonté du double, il a l'intelligence du double pour le faire. Alors, à ce moment-là, l'homme devient extrêmement autonome et s'il ne peut pas donner parce qu'il y a trop d'insécurité ou d'agressivité dans une masse quelconque, à ce moment-là, il va changer son activité, il va la modifier, il va la rendre plus ésotérique, plus hermétique, plus reculée, moins près des masses. Quitte éventuellement à former une école quelque part dans le monde totalement cachée où des gens seront envoyés là how do you say in English when you send somebody to... par référence. Alors, des gens seront envoyés à cette école-là par référence. Que ce soit en Amérique du Sud ou en Australie, n'importe quoi, il y a des gens seront envoyés là par référence. Fait que c'est bien subtil. Parce qu'une des grandes qualités, un des plus beaux aspects de l'homme planétaire qui est conscient de son double, c'est qu'il est capable de régir, selon lui-même, la qualité de sa vie. Quand il en a plein de casse, c'est lui qui régit. Il n'a pas d'émotivité, d'insécurité ou d'agressivité pour contrer sa décision intelligente. Non. Il est autonome. Il a assez d'intelligence et volonté pour... Alors, à ce moment-là, les masses qui ont la chance d'avoir accès à de l'information qui est totalement neuve sont retirées de cette information-là. Et c'est là qu'il y a un tri. L'homme, à cause de son insécurité et à cause de son agressivité, rationalise. Rationaliser, c'est exprimer psychologiquement de l'agressivité ou de l'insécurité. Et en général, les gens expriment plus d'insécurité que d'agressivité par le rationalisme. C'est tellement vrai, ça, qu'un homme qui est conscient, un homme qui est dans l'énergie de son double, qui est en fusion suffisamment avancée à son double, et qui rencontre un homme qui est insécure ou un homme qui est agressif, n'est jamais vibrant vis-à-vis son insécurité ou vis-à-vis son agressivité. Il est totalement intouché par l'agressivité ou l'insécurité. Tout ce qui le lie à cet homme-là est au niveau de l'énergie de son double, jamais au niveau de l'énergie astrale de sa conscience planétaire. Mais tant que l'homme n'est pas arrivé à ce stage de perception, tant qu'il n'est pas capable de créer sa propre psychologie selon le besoin de son être matériel, il est incapable de s'abstenir de vibrer à l'insécurité ou à l'agressivité d'une autre personne. Et c'est là qu'il y a des ruptures, il y a des conflits, des séparations, ainsi de suite. Et naturellement, pour détruire l'insécurité ou pour détruire l'agressivité, qu'est-ce que le double fait? Il crée des conditions où l'agressivité ou l'insécurité sont aptes à se manifester. Sa transmutation. Votre vie future, d'ailleurs, votre vie ancienne, pareil, seulement vous n'en étiez pas conscient, mais votre vie future, consciente, sera constamment marquée de ces éruptions où vous vivez de l'insécurité ou de l'agressivité selon les événements. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez attention à votre agressivité. Parce que votre agressivité vous coupe de votre intelligence autant que votre insécurité. Parce que l'agressivité, c'est la domination astrale par le biais de l'émotion de l'homme contre l'homme. L'insécurité, c'est la domination astrale par le biais de l'émotion d'entité dans l'astral contre l'homme. Donc, il y a un courant. Il y en a une qui domine l'homme intérieurement, il y en a une qui domine l'homme extérieurement. Donc, par l'insécurité et par l'agressivité, l'astral a le contrôle de la Terre. Il a le contrôle de l'homme intérieurement et il a le contrôle de l'homme extérieurement. Donc, dans la vie de l'homme de la Terre, il y a de l'agressivité et de l'insécurité. Et c'est par ce courant d'énergie-là que l'astral contrôle l'évolution et que l'astral a maintenu l'évolution pendant des siècles. C'est ça qui sera brisé par la fusion avec le double. À ce moment-là, l'astral n'aura plus de contrôle sur l'individu, donc l'individu sera conscientisé, donc l'astral aura moins de contrôle sur les hommes, sur la civilisation. Sur le plan politique, le terrorisme international, c'est le produit du contrôle de l'astral à travers l'homme contre l'homme par le biais de l'agressivité. Les sectes religieuses, mystiques, ainsi de suite, c'est le contrôle de l'astral à travers l'homme, son insécurité. D'un bord ou de l'autre, l'astral contrôle la Terre. Alors, individuellement, c'est très important pour l'homme de comprendre ceci et de le réaliser dans l'instantanéité de son éruption quand il en fait expérience lors d'un événement créé de toutes pièces par le double. À ce moment-là, l'homme se désengage psychologiquement de l'agressivité ou de l'insécurité, et à ce moment-là, il prend conscience de son intelligence, et petit à petit, le filet d'intelligence devient plus grand, plus grand, plus grand. Éventuellement, c'est un torrent d'intelligence un jour, il n'y a plus ni l'un ni l'autre. À ce moment-là, l'homme contrôle son énergie. Si, naturellement, j'explique beaucoup de choses dans le domaine de la psychologie, et ainsi de suite, mais l'infrastructure psychique de l'homme est au niveau de son insécurité et de son agressivité. Tout le reste, même si on est allusif, ça se rapporte à un ou à l'autre. Qu'un homme comprenne l'insécurité et l'agressivité en lui, il connaîtra et comprendra toutes ses faiblesses, tous ses défauts. Mais l'agressivité et l'insécurité ont des fonctions différentes dans l'évolution. L'agressivité dans l'évolution a servi à créer sur la Terre suffisamment d'énergie astrale pour empêcher l'homme pour empêcher l'homme de comprendre son insécurité. Et l'insécurité a été, ou existe, ou sert dans la vie de l'homme pour empêcher l'homme de se comprendre. Alors, l'agressivité empêche l'homme de comprendre son insécurité. L'insécurité empêche l'homme de se comprendre lui-même. Alors, la première chose, ce qui est le plus dangereux chez l'homme, ce n'est pas l'insécurité, c'est l'agressivité. Celui qui n'a pas d'agressivité est moins assujetti à la condition ou à l'éloignement du contact avec son double que celui qui l'est. Mais d'un autre côté, celui qui vit beaucoup l'agressivité peut souffrir tellement à cause de sa sensibilité qui le rend agressif, peut souffrir tellement qu'un jour, il peut lui être donné à travers une crise de prendre conscience de son intelligence sans avoir à passer par l'insécurité. Vous avez une idée? Autrement dit, il lui sera permis d'avoir souffert l'agressivité à son maximum pour aller directement à l'intelligence. C'est comme un shortcut. Mais la souffrance sera plus grande que celui qui souffre simplement au niveau de son insécurité. Parce qu'à ce moment-là, la souffrance ne sera pas nécessaire seulement en fonction de lui-même, mais elle sera en fonction d'autres. Donc, il entre en confrontation avec le monde de l'homme, la loi, ainsi de suite. L'insécurité, ce n'est pas une attitude. C'est une vibration. L'agressivité, ce n'est pas une attitude, c'est une vibration. Et c'est parce que l'insécurité est une vibration et l'agressivité une vibration que l'homme qui vit et qui est très conscient de son insécurité et qui est très conscient de son agressivité est très près de son intelligence. On est où, lui? C'est subtil. Du moment qu'il est capable de réinventer ou d'inventer sur le champ sa psychologie quand il vit l'insécurité ou l'agressivité dans l'expérience. Alors, si je dissocie l'agressivité d'un contexte psychologique, si je dissocie l'agressivité d'un contexte psychologique, c'est parce que je puis le faire. Donc, c'est à vous autres d'en bénéficier. C'est une clé énorme. C'est une clé d'évolution. Et c'est une porte qui mène à l'intelligence de l'homme. Et l'homme qui est insécure ou agressif doit éventuellement, ou atteint éventuellement un juste milieu, de sorte qu'éventuellement il perd son agressivité, son insécurité, il devient un petit peu plus agressif. Celui qui est agressif devient un petit peu plus insécure. Donc éventuellement, il arrive juste au centre. Il y a une balance. Parce qu'un homme conscient doit être capable de se servir de la vibration pour manifester agressivement ou manifester une insécurité. Mais c'est un jeu. Autrement dit, un homme doit être suffisamment intelligent pour se servir de la vibration d'insécurité ou de la vibration de l'agressivité selon la situation. Ça, c'est dans l'intelligent. Si je rencontre un éléphant, m'a sacré mon camp, m'a couru. M'a me servi de l'insécurité, de la vibration de l'insécurité. C'est pour ça que je parlais un jour, j'expliquais un jour que la peur est créée par le double pour préserver l'homme. C'est l'interprétation de la peur qui donne à l'homme l'impression d'être insécure, lorsqu'en fait la peur n'est qu'une vibration qui, interprétée psychologiquement, émotivement, lui donne l'impression de l'insécurité. Donc, ça rend pire la situation. Mais si l'homme est capable de se servir de son insécurité au niveau vibratoire, il va courir devant l'éléphant. Si l'homme se sert de la vibration de l'agressivité vibratoirement, il pourrait donner un choc pour que cesse une situation de vie qui a besoin d'un choc. Mais dans les deux cas, ce ne sera ni de l'insécurité, ni de l'agressivité. Ce sera simplement l'actualisation sur le plan matériel d'une vibration qui, inconsciemment vécue, serait agressive ou insécure. Est-ce qu'on a vendu? Oui. Oui. Vivre les deux, c'est très fatigant parce que quand on a de l'insécurité et de l'agressivité, on ne sait jamais sur quelle base se brancher. Donc, ça polarise la personnalité et ça crée dans l'homme de la tristesse. Ça crée de la tristesse dans l'âme parce que ça nous empêche de nous brancher. On est-tu ça ou on n'est-tu pas ça? Au moins, quand tu es totalement insécure, tu sais ce que tu es. Quand tu es agressif, tu sais ce que tu es. Mais quand tu es un peu des deux, à ce moment-là, ça crée dans l'âme, dans le corps, dans l'astral, un déséquilibre, et ça crée de la tristesse intérieurement. La tristesse intérieure qu'on peut jamais mettre le doigt dessus, elle vient de l'expérience d'un petit peu d'agressivité et d'un petit peu d'insécurité. Les gens apprennent à écouter. Apprendre à écouter, pour apprendre à écouter, il faut perdre de l'insécurité. Les gens qui ne savent pas écouter sont des gens qui ont trop d'insécurité. Et les gens qui écoutent mal Ce sont des gens qui ont trop d'agressivité. Autrement dit, pas pouvoir écouter, c'est de l'insécurité. Puis écouter mal, pas comprendre, c'est de l'agressivité. Parce que l'agressivité a toujours sa forme de rationalisme. Tous vos défauts viennent de l'un ou de l'autre. Tous vos défauts. Faites une analyse de vos défauts, ils viennent tous, ils se rattachent à un ou à l'autre. Et ce qui est le plus drôle dans le phénomène, dans cette polarité, c'est que le double, la luminosité de l'homme, qui est le produit de la transformation de la mémoire d'âme en énergie, est faite de ces deux-là. Dans l'expérience de l'homme planétaire, le double se sert au cours de la transmutation de l'insécurité ou de l'agressivité pour se rendre lumineux. Et en se rendant lumineux, il se détache de la matière. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ça. Il y a deux questions de fond. Si vous vous demandez pourquoi vous êtes agressif, vous aurez une réponse. Si vous demandez pourquoi est-ce que vous êtes insécure, vous aurez une réponse. Et dans les deux cas, la réponse sera fausse. Parce que dans les deux cas, la réponse sera astralisée. Donc, elle servira à vous maintenir dans le statu quo de votre insécurité ou de votre agression. C'est pour ça que je dis, l'homme doit en arriver à inventer sa psychologie. Ce qui veut dire que l'homme, après la souffrance de l'insécurité et après la souffrance de l'agression, quand il en aura le bol, il descend l'énergie. Et à ce moment-là, il invente sa psychologie. Autrement dit, il détermine lui-même ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas dans la vie. À ce moment-là, il est dans l'intelligence du double. Il y a une façon astrale d'être intelligent et il y a une façon pure d'être intelligent. La façon astrale, elle est toujours répertoriée dans le mental par la voix de la pensée. Et la façon pure, elle est toujours vécue dans l'expérience par la façon du déchirement créé par l'homme contre les conditions qui créent soit l'insécurité ou l'agressivité. C'est-à-dire les événements qui créent l'insécurité ou l'agressivité. C'est dans l'expérience vécue que l'homme découvrira son intelligence. Ce n'est pas dans l'expérience pensée. La preuve, c'est que si jamais vous avez une situation de vie où vous avez un contact, et si jamais vous avez une expérience de vie où vous êtes dans une crise, essayez de communiquer avec le contact et vous verrez qu'il ne vous répondra pas. Y en a-t-il qui ont déjà fait ça? Essayez de voir clair, quand vous êtes dans le pic d'une crise, vous verrez qu'il n'y a pas de communication entre vous, là. Enfin. Y en a-t-il qui comprennent ça, ce que je dis là? T'as pas une crise d'aide dans ce temps-là. Ah, de la jasette, il y en a en masse quand tu es à la messe, quand tu es dans ton bureau, quand tu bâtis ta maison. En masse. Quand tu plantes tes carottes, ça n'arrête pas, ça te fatigue. T'sais. Mais aussitôt là, que ta maison est en feu, tu as trois enfants au deuxième étage, là, demande quoi faire, il n'y aura pas de réponse. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Charlie, sers-toi de ton intelligence, ta volonté, sers-toi de ta vibration pour dépasser l'insécurité, pour comprendre l'utilisation de l'agressivité, pour passer à travers le feu, aller chercher des enfants, pas t'inquiéter insécurement et revenir en bas pour les sortir de la maison. Ça marche. Et cette expérience-là, moi, je l'ai vécue très... C'est parce que je suis bien près de mon double que dans le pic de la crise, je suis capable d'avoir de l'information. Puis encore. À ce moment-là, je dis, mange de la marde, puis je fonce. Comme ça, je fonctionne. Sans ça, c'est une perte d'énergie, une perte de temps. Parce que le double, il est toujours là, anyway. Il est toujours là, le double. Fait que t'as pas besoin de demander de questions, il est là. Alors, l'énergie que t'as dans le mental, l'énergie que t'as dans l'émotionnel, l'énergie que t'as dans le vital, dans le physique, elle est là, elle vient de lui. Ça, c'est toi, voilà. Mais si t'es insécure, tu t'en serviras pas. Alors, l'homme peut être même insécure vis-à-vis son double. Ça va loin, l'insécurité. Pas simplement vis-à-vis lui-même, vis-à-vis le double. Fait que si le double, il répond pas, là, il est tout paniqué. Mais il ne te répondra pas pour que tu en arrives un jour à jamais paniquer. Fait que quand tu arrives dans le pic d'une crise, tu y vas pareil parce qu'il est toujours là. C'est toujours lui qui te manipule, qui te pousse, qui te fait vivre l'expérience. C'est ça qu'on rencontre des grandes expériences, des gens, des héros qui ont sauvé ou qui ont fait des actes de bravo qu'on lit dans les journaux. T'sais. Ils sont partis tout d'un coup, là, paf! Comme la femme qui sauve son enfant, là, puis elle a se noyé, tu sais. Mais elle a la main rigor mortis, puis le petit est là, puis il pleure, mais c'est juste en dehors de l'eau. Elle reste là. Elle a les deux pieds dans l'eau, elle est noyée. Le corps est gelé, mais le petit est correct, les pompiers viennent le chercher. C'est arrivé aux États-Unis. Fait qu'elle n'a pas rationalisé, elle est partie. Bah. En tant qu'être planétaire, l'homme, il est presque voué à l'extermination. Planétairement parlant, l'homme est presque voué à l'extermination. La seule chose, le seul phénomène qui empêche l'extermination de l'homme, c'est qu'il y a des êtres qui viennent sur le plan matériel pour donner de l'instruction à l'homme. Sans ça, l'homme serait voué à l'extermination parce que l'homme ne comprend pas les lois de l'insécurité et de l'agressivité. Donc, il est incapable, à un certain moment donné, d'inventer sa propre psychologie, donc de vivre de l'intelligence et de la volonté de son double. Donc, éventuellement, il est fixé, figé par les lois planétaires. Des fois, on parle du cosmique, d'ici, de ça. Les autres clans. Et je vous garantis qu'un jour, vous comprendrez que ce qui est important dans la vie de l'homme, c'est pas ce qui se passe aux autres clans, c'est ce qu'il est capable de faire ici. Ce qu'il est capable de faire ici, dans la matière, c'est ce qui est important, pas ce qui se passe aux autres. Ce qui se passe ces autres plans, ça sert simplement à transformer l'insécurité ou l'agression de l'homme. Il donnait une autre couleur, mais pas à l'éliminer. Ça change l'agressivité, ça change l'insécurité, mais ça n'élimine pas l'agressivité ou l'insécurité. Ce qui élimine l'agressivité et l'insécurité, c'est la capacité de l'homme planétaire de se créer une psychologie qui convient à son état d'homme conscient dans l'événement de la vie de tous les jours, pas ce qui se passe sur les autres plans. Ça, c'est les illusions de tous les êtres spirituels et ésotériques. On est bien plus mordu qu'on pense. On est bien plus insécure qu'on pense. Une des plus grandes qualités de l'homme conscient, c'est d'être capable de vivre sur le plan matériel sans que ce soit su qu'il est conscient. Pour qu'il passe complètement inaperçu, s'il veut. C'est ça, se servir de tout ce qui est en nous, au-delà de notre matière. Mais tant qu'on n'est pas capable de faire ça, tout le monde sait qu'on se conscientise, qu'on adhère à ci, puis qu'on adhère à ça. Tout le monde le sait. Mais nous, on ne vit pas sur le plan matériel comme on devrait et pourrait vivre. On ne vit pas. On existe encore un petit peu mieux. On ne vit pas. Il y a une différence entre se nourrir de la conscience et être conscient. Il y en a qui se nourrissent de la conscience et ils en font des indigestions. Et être conscient, tu ne fais pas d'indigestion quand tu es conscient. Et un jour, quand il y aura eu suffisamment de travail sur votre insécurité et sur votre agressivité, vous en aurez ras-le-bol de la conscience. Ras-le-bol. Vous serez tanné d'être conscient, vous serez assez conscient, vous en serez cœuré d'être conscient. La névrose cosmique. Fait que là, vous serez bien content d'être du monde bien ordinaire. À ce moment-là, vous porterez des cravates. Je vais parler un peu d'agressivité. L'agressivité, par contradistinction avec l'insécurité, fait souffrir l'homme à cause de l'attaque du monde extérieur contre sa sensibilité. L'insécurité fait souffrir l'homme à cause de lui-même. C'est deux sortes de souffrances différentes. Mais c'est plus intelligent de souffrir d'insécurité que de souffrir d'agressivité. Mais c'est plus c'est plus sensible de souffrir de l'agressivité extérieure que de l'insécurité. Dans les deux cas, il y a une nuance. L'homme qui est agressif parce qu'il sent que le monde est réellement pourri a une grande sensibilité qui doit être rendue intelligente, qui arrête de souffrir d'un monde qui est pourri. L'homme qui est insécure ne souffre pas de sensibilité. Il souffre de quoi? Il dit, il souffre d'un manque de psychologie. Il manque de la psychologie. Il y a un manque de psychologie. Un, il souffre de sensibilité. L'autre, il souffre d'un manque de psychologie. Il y a plus de gens sur la Terre qui souffrent d'un manque de psychologie que de personnes qui souffrent de sensibilité. Dans les deux cas, il y a de l'illusion. L'insécurité, ça existe dans tous les âmes, mais l'agressivité, ça n'existe pas dans tous les âmes. L'insécurité, c'est beaucoup plus universel que l'agressivité. Ils disent que l'agressivité, c'est la déformation du savoir intérieur. C'est une déformation quelque part. Tandis que l'insécurité, c'est une déformation de la sensibilité intérieure vis-à-vis soi-même. si on réalise que l'insécurité, la mutation et le double, l'axe, ça va tout ensemble. C'est très important qu'on le réalise en soi. Mais la réalisation en soi ne nous empêche pas de la vivre quand même. C'est pas parce qu'on la réalise qu'on ne la vit pas. Mais il faut qu'on la réalise. Il ne faut pas qu'on la rationalise. La rationaliser, le rationaliste couvre les deux. Il couvre notre agressivité puis il couvre notre insécurité. C'est pour ça que l'homme doit développer sa propre, doit inventer sa propre psychologie. Et quand l'homme invente sa propre psychologie, il découvre sa raison d'être. Alors, la raison d'être de l'homme, c'est la raison qui lui permet de donner raison à ses actions dans la vie matérielle. Ça, c'est sa raison d'être. Cherchez pas plus loin la raison d'être. Il n'y a pas de dimension philosophique à la raison d'être. Ça, c'est bon, vous, Jean-Paul Sartre. Vous comprenez? La raison d'être de l'homme, c'est d'être capable de rendre, de donner raison à ses actions dans sa vie. C'est ça la raison d'être de l'homme, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de dimension psychologique dans la raison d'être. Il n'y a pas de dimension philosophique ou métaphysique dans la raison d'être. La raison d'être, c'est l'actualisation dans la matière de l'intelligence de l'homme qui donne raison à son action. Ça veut dire... Plus tu te connais toi-même, plus tu te sais toi-même, plus tu es capable de, par toi-même, de transférer l'énergie du double à l'homme planétaire et de te servir de cette énergie-là en tant qu'homme planétaire sur les plans où elle se situe. C'est ça la raison d'être de l'homme. Et les hommes sont très loin de comprendre leur raison d'être. C'est pour ça que les hommes sont très loin de pouvoir vivre une vie sur le plan matériel qui convient à leur essence en tant qu'homme planétaire. Ouais. Et souvent, les gens vont se donner des raisons dans leur action qui vont contre leur raison d'être. Exemple, ta mère est malade, ça fait 40 ans qu'elle est malade, il faut que tu ailles la voir à tous les vendredis soir. Tu vas te donner toutes sortes de raisons qui conviennent à ta sensibilité, à ton insécurité, pour aller voir ta mère qui est malade pendant 40 ans à l'hôpital, puis qui te siphonne par des faux sentiments, puis qui te donne l'impression que tu n'es pas aux anti-garçons si tu n'y vas pas le vendredi soir pendant 40 ans. Fait que tu vas te dire, ça c'est ma raison d'être, je dois aller voir ma mère. Mais va voir ta mère, puis tu seras un bachelor tout à l'heure. Lorsqu'en fait, ta raison d'être serait de voir à travers le jus de ta mère. Puis il dit, ben, c'est assez, là, j'ai une blonde en fin de semaine, je m'en vais voir Haïti au film. Ça sera ta raison d'être. Puis elle va toujours rationaliser ta raison d'être. Elle va dire, Haïti est plus important que ta mère. Tu diras oui. Pour moi. Où je vis. D'où au pied de ton lit devant le soir. Là, vous découvrirez votre raison d'être. Sinon, ben, vous vivrez la raison de votre mère. Puis on fait toujours ça. On ne vit pas, on ne connaît pas notre raison d'être. Parce qu'on n'a pas de volonté et on n'a pas d'intelligence. Autrement dit, on est tellement loin de notre double qu'on vit simplement au niveau astral. On astralise notre intelligence, puis on rationalise nos actions, puis on appelle ça notre raison d'être. Notre raison d'être. Donc, ça revient tout à l'insécurité. Alors, les gens qui sont insécures devront un jour avoir un petit peu plus d'agressivité, puis ceux qui sont agressifs devront avoir un petit peu plus d'insécurité pour balancer les deux. À ce moment-là, vous connaîtrez plus votre réalité psychologique. Vous pourrez créer, inventer votre psychologie instantanément. Donc, vous pourrez vivre votre raison d'être instantanément, puis vous serez bien, mieux qu'avant. Mais l'effondrement de l'insécurité, c'est pas facile. C'est pas facile, l'effondrement de l'insécurité. Parce que l'insécurité, comme je vous l'ai dit ce soir, c'est l'homme planétaire. L'homme planétaire est insécurité. On peut réaliser, on peut rationaliser n'importe quoi. On a une faculté extraordinaire de rationaliser n'importe quoi. Parce qu'on pense. Notre faculté de rationaliser est là. Elle est déjà là dans la mécanique de notre pensée. Le fait que tu penses, tu peux rationaliser. Aussitôt que tu peux penser sur toi-même, tu peux rationaliser. C'est pour ça qu'avec la mutation, mais plus vous allez muter, mais plus vous allez perdre la faculté de penser subjectivement un jour, mais vous serez plus capable, et à ce moment-là, bien, vous serez dans une autre vie. Vous vivrez une vie matérielle qui sera très différente de la vie que vous vivez aujourd'hui. Vous ne pourrez même pas concevoir que vous viviez comme ça en 1982. Vous avez des statues plates dans ce temps-là. Maudit! Puis là, si vous faites poigner dans le jeu encore, vous allez dire, ben, j'ai perdu mon temps. Là, ça va être encore de la pensée subjective. Là, vous allez souffrir. Ça n'arrête pas. L'homme doit en arrivera un jour où la moindre pensée dans sa tête, la moindre, sera de l'information qui vient du double. La moindre. La moindre.